tant que c'est ça, ouah. Ah, ah, ah, ah. C'est ça, ouah. Ah, ah, ah, ah. Et mes amis, après tout ce qui m'est arrivé, la France m'a accueilli et m'est soulagé. Amadou ne connaît pas sa mère, sa mère. Amadou, son père n'est pas dans ce monde. La France m'a dit que je peux vivre à leur absence. Oh, ainsi va la vie, va la vie, ainsi va la vie. Allez, allez, instant, allez, allez, instant, allez. Tout est bon, tout est calé. Allez, allez, instant, allez, allez, instant, allez. Tout est bon, tout est calé. Je m'appelle Frenzy. Mon pays est albanais, j'aime des îles, tatouages, la boxe et entraînement. J'ai 16 ans et j'ai vécu à l'Estonque depuis 3 mois. J'aime regarder des films aussi, particuliers des films horreurs. Je m'appelle Laoli, je viens de la Guinée-Conakry. J'aime courir, courir c'est ma passion. Je veux devenir un jour athlète, j'aimerais aller à l'école. J'aime la musique, j'aime pas quand les gens me critiquent. Il faut être toujours gentil dans cette vie, car la méchanceté ne va jamais te faire avancer dans cette vie. Allez, allez, instant, allez, allez, instant, allez. Tout est bon, tout est calé. Le jour que je suis venu en France, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé à maman, et maman pensait aussi toujours à moi. Et maman me conseillait de prier, de ne pas faire du mal à quelqu'un, de faire toujours du bien et d'être gentil envers tout le monde. Elle m'a dit aussi, quand quelqu'un te fait du mal, faut toujours pardonner, de prendre l'étude au sérieux et d'être poli. Allez, allez, instant, allez, allez, instant, allez. Tout est bon, tout est calé. Je m'appelle Mohamed Camara. Da, da, daka, daka. Da, da, da, daka, daka. Yaka samba, nga samba, ni bombo. Mamba yanka, il faut t'en la bombo. Yako zikina di mena combo combo. Yen tani suru, fira ni combos. Ndawa yen fi, tic tac nara. Number one, nana mutaniya. Inya anya ribana, inya fa intine. Naka laga ekana. Mba nubana, ale grand sana. Ati salo, amu amagina yoro mafogo balo. Trois idikeli kami yongos.